souvenir d'un marchand de tableaux, chapitre 11. Quelques personnalités que j'ai approchées. Mallarmé, Émile Zola, Théodore de Viseva, un parent de Rothschild, Marcel Samba, le Sar Péladan, Mirbeau, Monsieur Denis Cochin, ministre d'État, Monsieur Arthur Meyer, le Tigre, Monsieur Clémentel. Je me promenais dans les bois de Valvin avec un ami. Nous croisâmes un petit monsieur grisonnant qui, d'une canne au bout de laquelle était ajusté un clou, cueillait par terre des papiers qu'il mettait dans un petit panier. « Tiens, Mallarmé, s'écria mon ami, que faites-vous donc ?»« Demain, répondit Mallarmé, j'ai invité quelques amis à venir goûter. J'apprête la salle du festin. » Mallarmé, dont les ouvrages passaient pour inintelligibles, était un véritable charmeur dans la conversation. Le poète, quand il recevait ses familiers dans son appartement de la rue de Rome, parlait toujours debout, près de son fauteuil, dans lequel personne n'aurait osé s'asseoir. Or, il advint qu'un étranger, amené par un ami de la maison, voyant ce fauteuil vide, s'y assit tout naturellement. On imagine le scandale. Voici un trait qui montre le causeur éblouissant qu'était le poète. Un jour, sur l'impérial d'un omnibus, le directeur du Figaro, Francis Magnard, échangea quelques mots avec son voisin. Comme on passait devant le marché aux fleurs de la Madeleine, l'inconnu trouva, pour parler de ce jardin improvisé, des images si originales que Magnard ne put se retenir de lui dire « Monsieur, je suis le directeur du Figaro. Si vous voulez bien rédiger ce que vous venez de me dire, je le publierai volontiers. » À quelque temps de là, Magnard, s'adressant à un de ses collaborateurs, « J'ai reçu un papier sur les fleurs, signé Mallarmé. C'est sûrement un fou. » J'étais allé chez Zola avec une carte de recommandation de Mirbeau, dans l'espérance de voir quelques tableaux de la jeunesse de Cézanne que possédait l'auteur de Nana. En arrivant chez le romancier, dès l'antichambre, on s'arrêtait, comme malgré soi, devant une imposante composition de débats ponçants, représentant la vérité sortant du puits. Deux verrières, dont l'une figurait un vénérable anachorète et l'autre un personnage de l'Assommoir, complétaient la décoration de la pièce. Le salon voisin, où l'on me fit pénétrer, était un vrai musée. Ici, un vase sur lequel était peint un chinois sous un parasol. À côté, le portrait d'une fillette réchauffant entre ses seins un petit moineau. Plus loin, un tableau représentant des femmes nues. Je ne parle pas des objets de vitrine, miniatures, ivoire, etc. Je m'étais arrêté devant un ange aux ailes éployées, retenu au plafond par une attache invisible. À ce moment, Zola entra, et à peine avais-je eu le temps de le saluer, que, désignant de la main l'objet que je regardais, « Mirbeau aime beaucoup ça. Il trouve qu'il y a, dans ce morceau dû au ciseau d'un anonyme du XVe siècle, une taille qui présage Rodin. » Puis, avec la bonhomie qui le caractérisait, Zola se mit à me faire les honneurs de ses trésors. « Cette fillette à l'oiseau est un greuse des dernières années de l'artiste. Ce canapé est d'époque. Le vase chinois ? Un Ming ! » m'écriai-je à tout hasard. « Non, un Jacob petit. Ces femmes nues que l'artiste a représentées liées par des chaînes d'argent, comme pour symboliser le destin de la courtisane, un Harry Schaeffer déniché rue Lepic. » Encore que je ne voulusse rien perdre des moindres paroles du grand romancier, je ne quittai pas des yeux un affreux petit chien qui se débattait dans les bras de son maître, comme s'il voulait s'élancer sur moi. Zola, alors, cajolant la vilaine bête, « Il aime bien son même être, le petit Pimpin !» L'occasion de parler des toiles de Cézanne me fut fournie par Zola lui-même, qui avait pris à la main un ivoire japonais. « Les Japonais, hasardai-je, quelle influence ils ont eue sur les impressionnistes ! À part Cézanne, n'est-ce pas ? Cézanne, cette vie en commun que nous avons menée à Aix et à Paris, tous nos enthousiasmes ! Ah, pourquoi mon ami n'a-t-il pas donné l'œuvre que j'attendais de lui ? J'avais beau lui crier, tu as le génie d'un grand peintre et le courage de le devenir. Hélas, il n'écoutait aucun conseil. » Zola marchait de long en large dans la pièce, tenant toujours dans ses bras le cher Pimpin. Je me hasardai à lui parler des toiles qu'il avait de Cézanne. Le maître s'arrêta et, frappant de la main sur une armoire bretonne, « Je les tiens enfermés là. Quand je dis à nos anciens camarades, Paul avait le génie d'un grand peintre, si j'allais leur mettre en même temps ses toiles sous les yeux. » À ce moment, des gamins passant sous les fenêtres de l'hôtel se mirent à crier « Abat Dreyfus, conspuez Zola !»« Oh !» m'exclamai-je dans une désapprobation polie. « Ce sont des égarés, » reprit le maître avec bonté. « Je leur pardonne. » Je demandai à Zola quel était celui de ses livres qu'il préférait. Un écrivain préfère le livre auquel il travaille, mais j'avoue une certaine prédilection pour ma débâcle. Nous en sommes au 200e mille. J'ai rapporté, tout au long, dans mon livre sur Cézanne, le récit de cette visite à Zola. Je m'étais appliqué à reproduire mot pour mot les paroles du maître. Or, quelques jours plus tard, je recevais du courrier de la presse une coupure du bonnet rouge. C'était un article de M. Franz Jourdain, où j'étais traité de belle façon. « Si un roquet lève la patte sur Notre-Dame, Notre-Dame n'en est pas salie, non ?» Sur ces entrefaites, je reçus la visite d'un ancien procureur général de l'île de la Réunion qui avait la réputation d'un fin lettré. « Mon cher Volard, me dit-il sans préambule, comment vous, dont le père était un si digne homme, avez-vous pu montrer tant de platitude devant Zola ?»« Mais, repartis-je, c'est tout le contraire que me reproche M. Franz Jourdain. Il peut dire ce qu'il veut, ce Franz Jourdain. Les mots sont là. » Comme je rapportais cet entretien à M. Albert Bénard, l'un des amis de l'architecte de la Samaritaine, « Les mots sont là. Il a trouvé ça, votre procureur général. C'est admirable. » « Cependant, hasardai-je. » Alors, Bénard, souriant, « Allons, Volard, ne me faites pas marcher. » « Voilà bien ma chance. Chaque fois que je veux me renseigner, je demande à un paysan la route qui conduit à la ferme. « Mais les poules elles-mêmes y vont toutes seules. Et vous, un monsieur ?» Une autre fois, dans le salon de M. Pierre Mille, comme j'entendais un géographe réputé, M. Gautier, parler d'un fait qui s'était passé aux Dardanelles pendant la guerre. « Enfin, me dis-je, je saurai ce que c'est que ces Dardanelles dont j'ai si souvent entendu parler. » Or, à ma question, le célèbre géographe se borna à sourire. Le lendemain, me trouvant dans une maison amie, je rencontrai un brillant lycéen, lauréat d'histoire au concours général. Je lui posai la même question. Il me répondit sans hésiter, « Je connais ce nom-là, mais ça n'est pas dans le programme de première. » À quoi un habitué de la maison, dont j'avais maintes fois entendu vanter la culture générale et qui lisait le temps dans un coin du salon, relevant la tête, « Dardanelles, c'est une pièce qui a été jouée à l'œuvre. » Une nouvelle discussion allait s'engager quand une petite dame rectifia. « La pièce, c'est Dardamel, et c'est le nom d'un homme. Les Dardanelles, c'est le détroit qui sépare la Turquie d'Europe de la Turquie d'Asie. Comment savez-vous ça ? S'exclama-t-on de tous côtés. Je suis né à Trébizonde. À ces mots, l'homme à la culture générale, assujettissant ses lunettes, « Vous nous la baillez belle, chère madame, avec votre Trébizonde. Trébizonde, c'est le titre d'une revue qui a été jouée aux Capucines. Je suis très bisonde. » À ce moment, quelqu'un entra, et la discussion n'alla pas plus avant. Un jour que j'allais voir M. Paul Gallimard, le grand bibliophile, je le mis au courant de cette controverse. « Laisse-nous un instant. » dit-il à son petit-fils, qui, lorsque j'entrai, expliquait un passage du De Viris. L'enfant s'étant retiré, « C'est pénible, vous comprenez, de laisser voir à ce gamin qu'un homme de nos âges ignore ce que c'est que les Dardanelles. » Puis, sans en avoir l'air, il se mit à me faire passer un véritable examen. « Vous demeurez en face de la basilique Sainte-Clotilde. Savez-vous quel en est l'architecte ? Sous quel roi le Louvre a-t-il été construit ? » Et des tas d'autres interrogations du même genre. Devant mon ignorance, il ne put se contenir. « Vous ne savez rien, et vous avez la prétention d'écrire vos mémoires !» Honnêtement, je fis part à mon éditeur américain des scrupules que j'éprouvais à la suite de cette mercuriale. « Don't trouble you, ne vous en faites pas. » me dit-il. Ce n'est pas des connaissances historiques ou autres que j'attends de vous. Quand je veux savoir quelque chose comme ça, je sonne le secrétaire et je dis « Envoyez-moi le technicien pour telle chose. » Je devais voir d'ailleurs qu'en étant même un grand spécialiste, on pouvait ignorer des choses de sa spécialité. Étant allé prendre un billet de chemin de fer chez Cook, je reconnus, faisant la queue comme moi, quelqu'un que je savais être professeur de géographie dans un grand lycée de Paris. Eh bien, ayant à faire un voyage, il venait, comme les camarades, faire établir son itinéraire. J'ai connu, par Renoir, Théodore de Viseva, qui n'était pas seulement le spécialiste de la littérature étrangère à la Revue des Deux Mondes. Il joignait encore à son talent, si apprécié de critique, une véritable intuition de la peinture. Quand eut lieu l'exposition de Renoir chez Georges Petit, en 1886, il fut un des rares publicistes, pour ne pas dire le seul, qui défendit l'artiste. C'est à cette occasion que Renoir le connut. Viseva était un causeur incomparable. Ce Polonais d'origine avait une connaissance surprenante de la littérature française. Un jour, un de ses amis, professeur à la Sorbonne, venant de perdre un oncle, se déclarait incapable, dans son abattement, de préparer le cours qu'il devait faire le lendemain. « Quel sujet avez-vous à traiter ? » demanda Viseva. « Je dois parler sur Théophile Gautier. Asseyez-vous là et écrivez. » Viseva improvisa une leçon qui enchanta le lendemain les auditeurs de la Sorbonne. Il avait réglé l'emploi de son temps une fois pour toutes. Il se réveillait à midi et mangeait dans son lit. Vaquait ensuite à sa toilette, à laquelle assistait souvent l'un ou l'autre de ses amis venus bavarder avec lui. Comme je sors peu, me disait-il, chaque visite est pour moi comme une fenêtre ouverte sur le monde. À 2 heures de l'après-midi, il se mettait à sa table de travail, ce qui est une façon de parler, car, en fumant des cigarettes, il dictait à sa secrétaire jusqu'à 5 heures. Puis il allait faire un tour dans les petites boutiques du quartier, où il pouvait satisfaire à bon compte sa passion pour les livres et les gravures. Après quoi, il rentrait dîner d'un potage qu'il prenait sur le coin d'une table et dictait de nouveau jusqu'à minuit. Un vieux serviteur, Duparchy, ne quittait jamais l'appartement. « Duparchy, donnez-moi mes souliers !»« Duparchy, mon feu s'éteint !» Et, toujours solennel, invariablement en redingote et cravate blanche, du parchi revenait, les chaussures à la main ou une bûche sous le bras. La première fois que j'allais chez Viseva, j'entendis dans le fond de l'appartement une voix qui me transporta. Une jeune fille parut, tout de blanc vêtue. Je pensai à une fée. C'était la fille de l'écrivain, Mademoiselle Mimi. Viseva ne détestait pas la plaisanterie. Je me souviens de ce qu'il me raconta un jour que je lui parlais de Léon Blois. Comme, dans un tome du journal de l'auteur du Mendiant ingrat, on lisait à plusieurs reprises « Jeanne m'a dit », Jeanne, c'était le nom de la femme de l'homme de lettres, Viseva, dans une lettre signée « Un vieil anglais », écrivit à Léon Blois. « Dans votre journal, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est ce que dit votre épouse. » Du coup, dans le volume suivant, Jeanne n'énonça plus rien. Mais à son sujet, on put lire cette note. « Un vieil anglais m'a écrit une lettre très importante relative à Madame Blois. Je prie mon correspondant de vouloir bien se faire connaître. » Chez l'un de mes amis, comme je me laissais aller à dire « Ah, si j'étais Rothschild !»« Que feriez-vous ? » me demanda-t-on. « Je commencerai par installer une ferme à Paris pour avoir du vrai beurre, de vrais œufs, du vrai lait. Une source me donnerait de la vraie eau. J'aurai du pain fait de vrai blé. Je ferai tanner le cuir de mes chaussures comme on le tannait autrefois, c'est-à-dire avec du thym, et non, ainsi que cela se pratique aujourd'hui, avec des produits chimiques. » « Oh !» interrompit quelqu'un, « vous croyez qu'avec de l'argent on peut avoir tout ce qu'on veut ? Je suis parent de Rothschild. Eh bien, savez-vous une de ses principales préoccupations ? C'est, en voyage, de manquer toujours de la viande cachère. À cet effet, son cuisinier l'accompagne dans ses déplacements et court les boucheries pour avoir de la viande d'animaux tués selon les règles du Talmud. Bien entendu, tous les bouchers l'envoient faire foutre. Donc, tout Rothschild qu'il est, il doit se résigner à manger des beefsteaks et des escalopes provenant de bêtes qui ont été tuées pour les goïmes. » Voici comment je connus le député Marcel Samba. Renoir m'avait dit « On fait des misères à l'institutrice de mon village parce qu'elle refuse de coucher avec le maire. » Samba m'a offert, bien des fois, ses services au cas où j'aurais besoin de quelque chose. Voulez-vous aller lui dire de ma part que je le prie instamment d'intervenir pour que cette pauvre fille ne soit plus tracassée ? Je me rendis chez M. Samba. On me dit qu'il était à sa permanence. Là, on m'introduisit dans un petit rez-de-chaussée, plutôt sordide et tout en fumée. M. Samba, armé d'un soufflet, actionnait le feu qui ne voulait pas prendre. J'exposai au député socialiste l'objet de ma visite. Il me dit aussitôt « Ce maire doit être un réactionnaire. J'en fais mon affaire auprès de mon ami Brillant. » Quelque temps après, M. Samba se présenta chez Renoir. Et, tout naturellement, « Rien à faire pour votre institutrice. Le maire appartient au parti. » J'eus, dans une autre circonstance, à voir Samba. Cette fois, c'est à son domicile qu'il me reçut. Après que j'eus admiré les toiles qui couvraient les murs du salon, M. Samba me fit entrer dans la salle à manger pour me montrer un Matisse. Le maître de séance attendait à déjeuner un de ses collègues de la droite, autant qu'il m'en souvienne, un camarade de Stanislas. Une femme de chambre entra et plaça sur la table une bouteille de rosée. « Qu'est-ce que vous faites là ? Mettez une bouteille de nuit. Vous savez bien que l'ordinaire, c'est pour quand vient M. Cachin. » Rue Caulaincourt, en face de la maison de Renoir, il y avait un demi-hectare de terrain appartenant à la ville de Paris et où s'élevaient de nombreuses bicoques en planches. « Vous verrez, m'avait dit Renoir, que lorsqu'on démolira ces masures, ce sera pour construire des maisons de 6 étages dans une rue qui, déjà, manque d'air. » Un incendie éclata qui détruisit la plupart des cabanes. Le conseiller municipal du quartier en profita pour proposer à ses collègues d'affecter, par raison d'hygiène, cet espace à un square. La motion fut prise en considération, sur quoi grand émoi chez les mastroquets du quartier. Le conseiller fut convoqué devant une sorte de tribunal présidé par un pharmacien flanqué de 3 bistrots. « Depuis 15 ans, lui dit le pharmacien, nous attendons que l'on nous construise sur ce terrain des maisons de rapport. Vous vous foutez de nous avec votre square. Si votre proposition passe au conseil, vous savez ce qui vous attend aux prochaines élections. » On devine avec quelle hâte le conseiller ainsi tensé retira sa proposition. Je rapportai le fait à Samba, qui était député de l'arrondissement. Je croyais l'embarrasser. « C'est le régime qui veut ça, » me répondit simplement le député socialiste. Jadis, c'était le marquis qui tenait le haut du pavé. Aujourd'hui, c'est le bistrot. Lorsque j'ouvris mon magasin rue Lafitte en 1894, le mouvement impressionniste triomphait. Pourtant, déjà, certains cherchaient ailleurs. C'est que la peinture n'est pas chose immuable. Comment échapperait-elle à ce besoin de renouvellement, à cette évolution incessante qui se manifeste dans toutes les formes de l'art? C'est aussi un fait que ces formes réagissent réciproquement. Mais tantôt l'une, tantôt l'autre prédomine et donne l'impulsion. En général, c'est la littérature qui prend la tête du mouvement. Elle fournit à la fois la théorie et l'exemple dont s'inspireront, tour à tour, la musique et les arts plastiques. À l'époque dont je parle, c'est la musique qui prévalait. Or, qu'est-ce que la musique? Une sorte d'incantation? Elle ne définit pas. Elle ne vise directement ni à démontrer, ni à décrire. Elle captive précisément parce qu'elle a de flottant, de vaporeux, d'indéterminé. Elle s'alimente aux sources du mystère, aux mythes, aux légendes, et, de ce qu'elle leur emprunte, elle crée des états d'esprit, une atmosphère propice à la passion ou à la rêverie. Sous son enchantement, et aussi d'ailleurs en réaction contre les brutalités du réalisme, contre la froide perfection parnassienne, on avait vu les écrivains, et surtout les poètes, s'appliquaient à rechercher ce charme presque immatériel qui réside dans le vague du sujet, à provoquer, eux aussi, ces élans de sensibilité, ces états d'âme, cet enthousiasme où les jetait l'exaltation musicale. Désormais, on ne décrira plus, on évoquera. On ne précisera plus, on suggérera. Le poète se donnera pour mission d'ouvrir seulement des perspectives. Le poème se prolongera dans la libre et émouvante méditation du lecteur. Le prestige de l'œuvre de Wagner suscite ainsi l'ésotérisme d'un Mallarmé et le « de la musique avant toute chose » d'un Verlaine. C'est le moment symboliste. Dans les arts plastiques, en peinture principalement, on observe l'effet des mêmes causes. Les symboles, les mythes, tout ce que peut offrir la légende, tout ce qui alimente les géniales œuvres wagnériennes, nous allions retrouver l'influence de tout cela. Influence subie directement par les uns, propagée chez le plus grand nombre par l'intermédiaire de la littérature et de la critique. Il ne m'appartient pas de juger cette sorte de mise en tutelle de la peinture. Je me borne à rappeler qu'elle allait aboutir à l'école de la Rose-Croix, qui, à côté des autres manifestations du symbolisme, paraissait s'inspirer plus expressément de préoccupations religieuses. Cette esthétique nouvelle, certains peintres la révélèrent dans des expositions d'allures un peu tumultueuses. Je dois avouer que je n'arrivais pas à me passionner pour toutes ces effigies de femmes filiformes et exsangues, non plus que pour ces ophélies vertes, bleues ou jaunes, qui semblaient revenir d'un bain chez le teinturier. L'influence que la littérature peut exercer sur la peinture, Degas la jugeait d'un mot. Comme on voulait lui faire admirer un tableau, n'est-ce pas, monsieur Degas, qu'on sent dans cette toile l'influence de Maeterlinck ? Monsieur, fit Degas, le bleu sort du tube et non pas de l'encrier. Ce qui précède m'amène à raconter comment je fis la connaissance de l'animateur de la Rose Croix, monsieur Joséphin Péladan. Ce n'était pas seulement ses ouvrages qui m'avaient plu. J'étais, en outre, très impressionné par ce titre de sar, c'est-à-dire mage, dont il avait blasonné son patronyme. Dans ma petite enfance, tante Noémie m'avait raconté tant de belles histoires sur les rois mages. Bref, je m'enhardis à écrire à l'auteur du Vice suprême. Je lui déclarai que j'étais un de ses plus obscurs admirateurs et que je sollicitais la faveur d'être reçu par lui. Il me répondit qu'il m'accueillerait très volontiers et, tout heureux, j'allai sonner à sa porte. Dès que le timbre retentit, une voix cria dans l'appartement « Allumez les bougies !» Puis la porte s'ouvrit. Je me trouvai devant un personnage qui avait une barbe d'un noir de jais et était vêtu d'une sorte de robe de chambre en andrinople rouge. Le sar, car c'était lui, m'introduisit dans une petite pièce où se tenaient quelques très jeunes gens, tous revêtus d'une robe du même tissu. Le maître et ses disciples me firent le plus aimable accueil. J'eus tout de suite l'explication de la phrase que j'avais entendue à travers la porte. Un tableau devant lequel brûlaient 7 bougies représentait un lys noir d'où émergeait une tête de femme. Un des jeunes gens feuilletait des revues d'art et en arrachait violemment toutes les gravures représentant les sujets que les Rose-Croix proscrivaient en peinture, tels que les natures mortes. J'acceptai une cigarette que l'un de ces messieurs m'offrit. Le sar voulut bien me faire l'honneur de me donner du feu. Mais, ne trouvant pas d'allumette, il plongea la main dans la corbeille à papier où son disciple jetait les gravures condamnées. Il en saisit une qu'il tortilla, puis alluma à l'une des bougies qui se consumaient devant l'autel. Au bout d'un temps trop long, je pense, au gré de mes hôtes, dont la communion mystique était troublée par la présence d'un profane, je me retirai. Dans l'antichambre, j'entendis « Éteignez les bougies !» Telle fut ma première rencontre avec le sar. Plus tard, à Nîmes, où j'étais de passage, j'allais assister à une conférence de Péladan. Il avait toujours sa belle barbe noire. Mais, en simple veston, il me parut moins sar. Je fis part de ma remarque à une aimable voisine. Avec beaucoup de vivacité, elle riposta que, si elle eût été en robe rouge, les gens auraient pu croire que M. Joséphin, comme elle le disait familièrement, était devenu vendeur de spécifiques contre les corps aux pieds ou de filtres pour les amoureux, et qu'il aurait pu lui arriver la même mésaventure qu'à un homme en robe rouge et en bonnet pointu qui lisait dans la main des gens. « C'était la semaine dernière, » commença la dame, « sur la place de l'église. » Je ne devais pas entendre l'histoire de l'homme rouge, car, au même instant, l'attention générale fut attirée, que dis-je, captée, par ces paroles du sar. « Ni moi !» Je n'aurai qu'à prononcer une certaine formule pour que la terre s'entr'ouvrit et vous engloutit. Les auditeurs se regardaient en faisant les pharos, mais au fond, je ne suis pas certain qu'ils n'avaient pas un peu le trac. Je me hâte d'ajouter que le sar, débonnaire, ne prononça pas les paroles fatidiques. En sortant de la salle, je dis à quelqu'un. Et si on lui avait dit « Chiche, prononce là ta fameuse formule !» Croyez-vous qu'il aurait pu arriver un malheur ? On ne sait pas. Joséphin, il est bien brave, mais si on le met au défi ? Je retins le procédé d'intimidation et me promis de l'essayer, le cas échéant. Quelque temps après, derrière la glace d'un pâtissier, je remarquai des tartelettes très appétissantes. Comme j'entrais, j'entendis la pâtissière dire à une cliente que, si elle était arrivée quelques instants plus tôt, elle aurait pu voir les tartelettes sortir du four. J'en achetai une, mais, dès la première bouchée, je constatai que le gâteau était bel et bien rassis. « Madame, dis-je à la commerçante, connaissez-vous l'histoire d'Anani et de Saphira ?» Les yeux ronds, elle me regarda. « Est-ce que ce sont des gens du quartier ?»« Non, c'étaient des chrétiens du temps des apôtres, le mari et sa femme. Un jour, ils allèrent trouver l'apôtre Pierre et lui dire qu'ils avaient vendu leurs biens et qu'ils en apportaient tout le produit pour les pauvres. « Vous en avez gardé une part pour vous, menteur !» riposta le chef des apôtres. « Pour vous punir de votre mensonge !» Il fit un geste, et la terre s'étant entr'ouverte, engloutit les deux trompeurs. « Et si votre parquet, madame, allait s'entr'ouvrir aussi, pour vous punir d'avoir dit que vos tartelettes étaient du jour ?» La femme m'avait écouté, bouche bée. Mais, quand il fut question de son parquet, « Eh bien, touchez-y à mon parquet !» Massif et enfariné, le mari sortit de son fournil. « Qu'est-ce qu'il te veut, ce type-là » demanda-t-il sans aménité, en me désignant. « Laisse, il fait du boniment !» repartit la pâtissière. Je jugeai conforme à la prudence de déguerpir, car l'homme des tartelettes avait aux mains des rouleaux de pâte dont il aurait pu m'enguirlander vigoureusement. Plus tard, dans un film de Charlot, j'ai vu une scène analogue et j'ai bien ri. Mais cette fois-là, j'étais spectateur. Je rencontrai quelquefois Mirbeau, toujours agité, tantôt tonnant contre quelqu'un, généralement un artiste ou un homme public, tantôt en exaltant un autre, quelquefois le même qu'il avait vitupéré la veille. Ses victimes ne semblaient pas lui garder, de ses invectives, une rancune tenace. Quant à ses amis, il ne cessait de vanter sa bonté, sa générosité. Seulement, expliquait-il, quand on leur opposait ses violences, Mirbeau ne voit rien sans grossissement. Je me rappellerai toujours la visite qu'il me fit, accompagné de son chien Dingo, un charmant petit animal qu'il tenait en laisse. On ne s'imagine pas, Volard, combien ces chiens sauvages sont extraordinaires. Ainsi, j'ai vu Dingo étrangler un veau, et quel flair ! Quand Dingo s'introduit dans un poulailler, eh bien, il sait reconnaître les pondeuses. Je le vois encore, leur pressant le ventre, faire sortir l'œuf intact. Dingo est pour moi plus qu'un ami, un frère. À l'idée que je pourrais le perdre. Du reste, il ne connaît que moi. Ah, nom de Dieu ! Le chien venait de s'échapper et il filait par l'escalier qui accédait à mon entresol, sourd à tous les appels de son maître. Si vous montiez le chercher, dis-je, c'est que j'ai peur qu'il me morde. Vous ne savez pas qu'un dingo, quand il n'est plus tenu en laisse, ne reconnaît plus même son maître ? Je me souvins tout à coup, avec inquiétude, que la bonne était à l'entresol. À ce moment, celle-ci apparut, tenant par son collier le chien qui remuait la queue. « C'est une bête bien caressante, » fit-elle, « mais moi, j'ai mon déjeuner à préparer. Allons, va-t'en, mon bon chien. »« Hein ?» fit Mirbeau. « Qu'est-ce que je vous disais ?» Je revis Mirbeau quelque temps avant sa mort. C'était pendant la guerre. Je le trouvai rue Beaujon, assis dans son fauteuil près de la fenêtre de son rez-de-chaussée. Y a-t-il quelque chose de neuf dans les journaux ? Me demanda-t-il. Mon Dieu, pas grand-chose. Je viens de voir pourtant dans un journal qu'il est question d'obliger les restaurants à rationner leurs clients. On n'aurait droit, désormais, qu'à un plat de viande et un légume. Mais on ne manque de rien. Il y a de tout chez les marchands. Les bonnes petites huîtres. Il prononçait « nuîtres ». Et les yeux de Mirbeau brillaient de gourmandise. Mais à l'instant même, Madame Mirbeau étant entrée, toujours soupçonneuse quand son mari était seul avec quelqu'un, l'écrivain mit un doigt sur la bouche pour me recommander le silence. Quand sa femme fut sortie, du ton d'un enfant boudeur, « Elle n'est pas gentille avec moi, » fit-il. « Elle ne veut pas me donner des petites huîtres. Elle dit que c'est trop cher. » L'auteur de la 628 E8 poursuivit. Il se passe des choses bizarres dans la maison d'en face. Tout le temps, des gens qui entrent et qui sortent. Oh, ce qu'on voit de choses extraordinaires. J'ai observé une fois à la campagne un moustique qui emportait une guêpe dont les ailes éployaient le gênaient. Eh bien, le moustique déposa simplement l'hyménoptère sur le gazon et lui scia les ailes. Et Mirbeau se mit à me raconter, comme lui étant arrivé, un certain nombre de faits extravagants que, dans ses livres, il avait attribués aux personnages qu'il voulait ridiculiser. J'ai entendu dire qu'à la fin de sa vie, le même phénomène d'autosuggestion se constatait chez Flaubert. Je ne devais plus revoir Mirbeau. Aussi bien, la garde que sa femme montait autour de lui se faisait plus étroite. Le jour de sa mort, je rencontrai une des amies du ménage. « Je viens de chez Mirbeau, » me dit-elle. « Cette fois, sa femme m'a laissée seule avec lui. »« Comment ? J'ai vu dans les journaux de ce matin qu'il venait de mourir. » C'est bien pour ça. En l'apprenant, j'ai couru tout de suite chez Madame Mirbeau. « Vous voulez voir Octave ?» me dit-elle. Et, ouvrant la porte d'une pièce plongée dans l'obscurité, elle fit la lumière. Mirbeau était étendu sur son lit, habillé d'un complet veston. « J'ai un ordre à donner, » me dit-elle. « Je vous laisse un instant. » Quand elle revint, comme je lui disais au revoir, elle éteignit l'électricité et ferma la porte. Au temps où M. Denis Cochin était ministre d'État, il me dit un jour « Est-ce que vous ne devez pas aller à Évian la semaine prochaine ?»« Parfaitement. Moi aussi, je pars après-demain soir. On a mis à ma disposition un compartiment spécial. Venez donc avec moi. » J'acceptai avec plaisir. Il me fallut toutefois payer ma place. L'invité du ministre avait bien le droit de partager le wagon officiel, mais il ne pouvait y accéder qu'après avoir pris un billet de première classe. C'est ce que m'expliqua un contrôleur, d'ailleurs plein d'amabilité. On parle tellement de dépenses inutiles, de gaspillage fait par les compagnies de chemin de fer, que je tiens à prouver, par un exemple, qu'elles savent défendre les intérêts de leurs actionnaires. J'avais gagné, à vrai dire, dans cette affaire, de voyager avec un ministre. Mais j'ai gagné aussi un lumbago, dû à un courant d'air que M. Denis Cochin avait établi, pensant m'être agréable. Lui aussi, à l'arrivée, se plaignit de douleur. Mais nous allions à Évian, où l'on soigne précisément les rhumatismes. Dès que nous mîmes pied à terre dans la gare, mon éminent compagnon me vanta son hôtel, où il descendait depuis 25 ans et tenu par de braves gens. Je le suivis. Quelques heures après, je m'apercevais des inconvénients que présentent souvent les hôtels tenus par de braves gens. « Vraiment, dis-je à M. Denis Cochin, trouvez-vous que nous soyons très bien ici ?»« Ah ? » fit-il, « je croyais... » Pour faire honneur au ministre, le patron de l'hôtel avait instauré un protocole spécial. On criait à la cuisine du haut de l'escalier. Le service de monsieur le ministre. » Et le maître d'hôtel, en personne, recevait les plats et les portait à table. Néanmoins, le ministre était généralement servi le dernier, car le malheureux maître d'hôtel, tiraillé de tous les côtés, n'était jamais à son poste au moment voulu. Je sortais souvent avec M. Denis Cochin. Comme je voyais un personnage d'aspect assez distingué tourner avec insistance autour de nous, je finis par croire que nous étions suivis par un policier chargé d'assurer la sécurité du ministre. Je désignai l'homme à M. Denis Cochin. « C'est un général. Je suis sûr qu'il doit vouloir m'entretenir d'une affaire d'espionnage. Deux de ses collègues sont déjà venus me trouver pour des affaires comme ça. » M. Denis Cochin avait, comme l'on sait, de vives sympathies pour la nation hellène. Un après-midi, un Grec parlait, devant nous, avec autant de fierté que de volubilité, des richesses artistiques et des grands hommes de son pays. Je voulus montrer au narrateur que rien de ce qui touchait à la Grèce ne me laissait indifférent. « J'adore jusqu'à ces brigands, si joliment romantiques qu'Edmond Abou nous a révélés dans son Roi des montagnes. » À ces mots, le Grec sursauta. « Le Roi des montagnes, quelle ridicule invention de littérateur que ces histoires de brigands, croyez-moi. En toute sécurité, vous pouvez vous promener dans nos montagnes, le jour comme la nuit. » M. Denis Cochin fit dévier la conversation. Quelques jours plus tard, quelqu'un qui avait assisté à la scène nous dit « Vous savez, le Grec de l'autre jour, eh bien, il vient de partir précipitamment pour Athènes. Son frère et sa belle-sœur, qui excursionnaient dans la montagne, ont été capturés par des brigands qui exigent une rançon. » La semaine suivante, je devais regagner Paris. « Vous allez me rendre un service, » me dit M. Denis Cochin l'avant-veille de mon départ. « J'ai à faire parvenir une lettre urgente à Delastéry, mon chef de cabinet. Je vais vous la remettre. Je vous demande de vouloir bien la déposer vous-même au ministère. » Mais si vous l'envoyez aujourd'hui par la poste, M. Delastéry la recevrait avant que je n'arrive à Paris. Voilà, il faut que je vous dise, mes collègues se méfient de moi. Tout ce que j'écris passe au cabinet noir. Ma lettre, si je l'expédie par la poste, parviendra à Paris, Dieu sait quand. Ainsi, une lettre de ma femme a mis 4 jours pour m'arriver à Évian. J'étais ahuri. M. Denis Cochin poursuivit. Mes collègues redoutent toujours que je commette quelque indiscrétion auprès du Vatican. Dans ces conditions, pourquoi le président du Conseil vous a-t-il pris dans son ministère? Parce qu'à leurs yeux, je représente tout de même une force. D'autre part, le gouvernement est heureux d'avoir quelqu'un qui a l'habitude du monde. Pour le reste, il se cache de moi. J'en suis donc à demander à tous les gens que je rencontre qu'est-ce qu'il y a de neuf, qu'est-ce que le gouvernement compte faire. À propos, je n'ai pas encore vu les journaux ce matin. Y a-t-il quelque chose de nouveau? J'ai lu dans Excelsior que la livre de l'art est à 7 francs. C'est cher ou pas cher? Excelsior ne fait aucun commentaire. Je crois cependant que c'est plutôt cher. Et qu'est-ce qui vous fait penser ainsi? Avant la guerre, le lard valait dans les 30 sous la livre. Vous croyez? Mais j'étais hanté par la fameuse lettre à porter à Paris. Écoutez, dis-je après un silence, si l'on me fouille à la douane de Bellegarde. Quoi? Vous emportez du lard? Fit machinalement M. Cochin. Je pense à cette lettre que vous voulez me confier. Surtout en temps de guerre, il est interdit de transporter du courrier. Vous croyez? Diable, comment faire alors? Il y a peut-être un moyen. Puisque nous devons aller à Thonon aujourd'hui, présentez-moi au sous-préfet et dites-lui que je suis votre courrier extraordinaire. Ainsi fut fait. Le lendemain, lorsque j'arrivais à la gare frontière, le commissaire spécial, alerté téléphoniquement, courait le long du quai, criant « Le coursier extraordinaire de Monsieur le ministre d'État, Denis Cochin. » Je me nommai, et il fit une marque cabalistique sur ma valise. J'attendais le départ du train pour Paris. Un monsieur m'aborda en me disant « Permettez-moi de me présenter moi-même. Puisque vous approchez, Monsieur Denis Cochin, je voudrais vous demander de me rappeler à son souvenir. J'ai besoin qu'il me donne un coup de main pour mon avancement. Je suis le vicomte de R, consul à X. » « Je n'y manquerai pas, » répondis-je. « Je vous en remercie beaucoup, mais je crains que M. Denis Cochin ne se souvienne pas parfaitement de moi. Vous voudrez bien lui dire que c'est moi, le petit garçon à qui, il y a environ 30 ans, lors d'une chasse à cour chez la duchesse d'Uzès, il a tiré l'oreille en disant « Il est gentil, ce petit !» Quand je revis M. Denis Cochin, je m'acquittai de la commission. « Je me souviens très bien, » me dit-il, « c'est le fils de Panade. C'est le surnom que nous avions donné à son père, parce qu'il était toujours sans le sou. Seulement, s'il compte sur moi, il se trompe fort. Je n'ai jamais pu obtenir quoi que ce fût pour personne. Je ne parviens même pas à faire donner les palmes académiques à un horloger qui est un de mes fidèles électeurs. Une fois seulement, j'ai eu gain de cause. J'avais recommandé un clerc de notaire qui avait tous les titres pour acquérir une étude et que la chancellerie se refusait à agréer. J'ai alors posé à son sujet une question au ministre et il a donné des ordres en conséquence. Pourquoi ne voulait-on pas de votre protégé? Parce qu'il avait été le président de la jeunesse catholique de son département. Le ministre de la Justice a eu peur que je ne révélasse qu'il avait été, lui, président d'une confrérie de la Sainte Vierge. » Cette nuit-là, les rugissements des sirènes annonçaient que des avions allemands se dirigeaient sur Paris. Comme tout le monde, j'étais descendu dans une cave, et, pour passer le temps, je causais avec mes voisins. J'appris ainsi de l'un d'eux qu'il était rédacteur au Gaulois. « Comment trouvez-vous notre journal ?» me demanda-t-il. « J'en pense le plus grand bien, certes. Et son directeur, M. Arthur Meyer ? C'est un esprit infiniment distingué. » Quelques jours après, je reçus une lettre de M. Arthur Meyer. Il me disait que son collaborateur lui avait fait part de l'opinion flatteuse que j'avais exprimée à l'égard de son journal et de lui-même. Il m'en remerciait et m'engageait à aller le voir. Sa lettre se terminait ainsi. « Nous pourrons peut-être nous rendre mutuellement quelques petits services à l'occasion. » En effet, il me fut possible de lui faire avoir un croquis de Bonnard pour son exemplaire du Burois. Chacun des livres de la bibliothèque du directeur du Gaulois s'enrichissait d'une œuvre originale d'un artiste. Ses choix témoignaient toujours le goût le plus sûr. Ainsi, pour la maison Tellier, il avait pensé à Degas, et il me montra une lettre du peintre dans laquelle celui-ci lui promettait un dessin. Quelque temps après, chez Degas, je vis un croquis sur son pupitre. « C'est pour un livre de la bibliothèque d'Arthur Meyer, » me dit-il. « Comment ? Vous qui ne pouvez pas souffrir les Juifs ?»« Oui, mais ce Juif-là est pour les bons principes. » Par contre, Renoir, lui, s'était mis en colère en recevant du directeur du Gaulois une lettre lui demandant de faire un dessin pour un de ses livres qu'il lui adressait. Mais Renoir, après avoir bien tempêté, s'adressant à son modèle, « Qu'est-ce que vous faites là, Gabriel ? Monsieur, j'enveloppe le livre pour le renvoyer ? Non, laissez ça là. » Et il fit une aquarelle sur la page de garde. Quant à Degas, il n'acheva jamais son dessin, et l'on peut dire que ce fut par excès de conscience. Comme il s'efforçait toujours d'améliorer une œuvre par reprise sur papier calque en débordant de son premier trait, le croquis qu'il destinait à M. Arthur Meyer finit par atteindre 1 mètre de hauteur. C'est dire que le bibliophile dut faire son deuil de l'illustration attendue. Mais il ne voulut pas rester sur cette déconvenue. Il acheta, pour orner la maison Tellier, un monotype de Degas qui représentait deux femmes sur un canapé et qui, beaucoup mieux qu'un dessin de danseuse, s'adaptait au conte de Maupassant. À la vente de la bibliothèque du directeur de Gaulois, on obtint un bon prix pour le livre ainsi orné et auquel avait été jointe la lettre de Degas qui promettait un dessin. J'ai pu observer un curieux trait de caractère de M. Arthur Meyer. Étant allé le voir au Gaulois, je le trouvai un livre à la main. Au moment de me retirer, je m'informai du titre de l'ouvrage, pensant faire mon profit d'une lecture qui avait retenu l'attention d'un esprit aussi éclairé. « C'est l'Odyssée d'un transport torpillé », me dit-il, après avoir vérifié le titre du volume sur la couverture. « Et quel en est l'auteur ?» lui demandai-je. De nouveau, il consulta la couverture. « L'œuvre est anonyme. » « Et le sujet du livre ?» « Je l'ignore complètement. Vous comprenez, je pense trop. Quand je prends un livre, c'est pour ne plus penser. Mais comme, en lisant, je ne puis malgré tout m'empêcher de penser, il en résulte que je ne sais pas ce que je lis. « Tiens, remarquai-je, Xavier Demaître a dit quelque chose dans ce genre. « Ah, Xavier Demaître a dit ça, lui aussi. » Et M. Arthur Meyer se rengorgea et caressa ses favoris. J'attendais un de mes amis dans son appartement de la rue Franklin. Je vis un pigeon qui frappait, à grands coups de bec, la vitre de la fenêtre près de laquelle je me trouvais. J'ouvris cette fenêtre. Le pigeon sauta dans la pièce, suivi d'un autre pigeon qui tenait des brins de paille dans son bec. Celui-ci alla se poser sur un palmier nain qui ornait le piano. Puis, avec précaution, il plaça ses brins de paille entre deux branches. Pendant ce temps, son compagnon faisait la roue. Soudain, tous deux s'envolèrent. Ils reparurent bientôt. Cette fois, les deux pigeons apportaient des bribes de laine qui allèrent rejoindre les brins de paille. Le fils de mon ami, un bambin de 7 ans, entra sur ces entrefaites. « Ces pigeons vous appartiennent ?» lui demandai-je. « C'est à un voisin. »« Mais qu'est-ce qu'ils font dans ce palmier ? Ils cherchent pour faire leur nid. » « Ah, par exemple, pourquoi ne le construisent-ils pas dans le pigeonnier que j'aperçois dans le jardin ?» L'enfant ne répondit pas. M'étant mise à la fenêtre, je vis des chats qui rôdaient sur le mur de la cour. Et ils n'étaient pas les seuls à faire peur aux pigeons. Ceux-ci avaient encore à se défendre contre d'autres ennemis. Comme un valet de chambre, en effet, avait apporté aux ramiers leur provende, à peine avaient-ils tourné le dos que surgirent deux énormes rats qui raflèrent tout. Mon idée fut de prévenir le maître du jardin. Mais celui-ci n'était rien de moins que M. Clémenceau, et je n'aurais pas osé l'aborder. J'avais remarqué, de la fenêtre, un vieux bonhomme que l'on voyait continuellement penché sur ses plates-bandes. J'hésitais également à lui dénoncer les méfaits des rats, tant il paraissait indifférent à tout ce qui n'était pas ses rosiers. Et voilà que, dans la soirée, en m'en allant, je me trouve nez à nez avec le vieux jardinier. Cette fois, il était en jaquette et chapeau melon. Je reconnus alors M. Clémenceau. Plus tard, au cours d'une discussion sur l'activité politique de l'ancien président du Conseil, « Il a sauvé la France !» disait l'un. Oui, ripostait un autre, mais sa politique d'après-guerre, les champs de pétrole de Mossoul abandonnés aux Anglais. Eh bien, qu'est-ce que ça fait ? Repartit l'enfant de la maison. Le garçon épicier disait à la bonne ce matin. Ma petite, nous pouvons vous fournir autant de pétrole que vos patrons voudront. Un soir, les vendeurs de journaux criaient. « Édition spéciale, le nouveau ministère !» Un terrassier, qui rentrait de son travail, dit à un copain, du ton le plus naturel, « Le nouveau ministère, tu parles de salauds qui vont s'envoyer des poules et du champagne toute la journée !» Le populaire se représente volontiers ainsi le labeur ministériel. Ceux qui ont pu le voir de près en jugent autrement. Pendant la guerre, un jour que j'étais à Cagnes, chez Renoir, il me dit, en me tendant une lettre de son fils qui servait dans l'aviation, « Tenez, Volard, lisez ce que m'écrit Jean. Il se plaint qu'on leur donne des avions avec lesquels on ne peut que se faire casser la figure. Allez donc trouver Clémentel et parle-lui de ça. » Dès mon retour à Paris, je téléphonai à M. Clémentel pour lui demander un rendez-vous de la part de Renoir. « Passez au ministère, me répondit-il. Vous me raconterez ce que fait maintenant Renoir. Ça me reposera. Je vous attendrai après-demain, dimanche. Venez donc vers 7h30 du matin. Nous pourrons causer tranquillement. » À l'heure dite, je trouvai le ministre devant sa tasse de thé, annotant des papiers qu'il avait sur son bureau. « Je ne vous demande qu'une minute, » me dit-il. À cet instant, un secrétaire entra, apportant une lettre à expédier d'urgence. La missive, lue et signée, M. Clémentel me dit « Je suis à vous ». Mais, de nouveau, la porte s'ouvrit et un huissier se présenta, une carte de visite à la main. « Ah oui, » fit le ministre, « c'est un commandant aviateur qui veut absolument me parler, bien qu'il dépende de la guerre. Comme cette visite peut nous retarder, voulez-vous venir me chercher à midi? Nous irons déjeuner chez moi à Versailles, et là, au moins, nous ne serons plus dérangés. » À midi, dans la cour du ministère, M. Clémentel causait avec deux messieurs. Un peu à l'écart, le commandant aviateur attendait toujours. Le ministre congédia les civils, puis il dit à l'officier « Je vous emmène à Versailles, où nous pourrons causer. » Au moment où notre auto démarrait, un secrétaire arriva en courant. Il apportait un dossier qu'il remit au ministre. « Ah, c'est vrai, » fit celui-ci, « j'oubliais que j'ai à étudier ça. » Il se plongea dans le dossier, qu'il l'occupa jusqu'à Versailles. Comme nous entrions dans la maison, un cuisinier se précipita dans le vestibule en criant. « C'est moi qui ai fait la sauce pour la langouste, vous m'en direz des nouvelles. » Ayant ainsi parlé, il ôta ses attributs de chef et nous apparut en monsieur. Monsieur Clémentel nous présenta. Notre maître Queux était le peintre du Moulin que je n'avais pas reconnu sous son déguisement. Après le déjeuner, au moment où le commandant aviateur pensait que monsieur Clémentel allait enfin pouvoir lui consacrer quelques instants, arrivèrent d'autres visiteurs qui avaient aussi rendez-vous avec le ministre. Madame Clémentel, pour tirer son mari d'embarras, « Mon ami, les enfants voudraient nous montrer leur cinéma. » Et, devant un pâté baby, défilèrent le petit chaperon rouge, le chat botté, la belle au bois dormant. Cela dura jusqu'au moment où l'on vint annoncer que le thé était servi. Bientôt, le ministre demanda la permission de passer à son cabinet de travail. C'était d'ailleurs, pour les visiteurs, l'heure du départ pour Paris. Quand nous nous retirâmes, le ministre, s'adressant à l'officier aviateur, « Comme vous l'avez constaté, commandant, je n'ai pas eu une minute à moi. Ce que vous avez à me dire, écrivez-le donc, ce sera mieux. Je remettrai moi-même la lettre au ministre de la guerre. » Nous allâmes à pied à la gare. « C'est la seconde fois que je fais le cuisinier, » dit l'homme à la langouste, « et je n'ai pas pu tenir le ministre seul pendant 2 minutes. Tous les dimanches, c'est la même chose. Et quant à mettre la main sur Clémentel pendant la semaine... » Nous étions montés dans le train. Le commandant d'aviation gardait l'air soucieux. Je demandai à l'officier où en était notre aviation. « Tout ce que je pense là-dessus, monsieur, vous le trouverez dans ce petit livre-là. » Et, tirant d'une poche de son dolman une plaquette, il me mit sous le nez mon « ubu à l'aviation ». « La stricte vérité, » s'écria-t-il. « On nous flanque des appareils qui cassent comme des allumettes, et c'est ce qu'on appelle de bons avions, pour le plus grand profit des constructeurs qui savent y faire. Qu'importe à ces messieurs du Parlement que nous nous cassions la gueule. Vive la France et la bonne galette !» Déjà, des voyageurs nous regardaient de travers. Heureusement, le train entrait en gare. Monsieur Clémentel m'avait dit, un jour que je le rencontrais après la séparation des chambres, « Bernheim veut que j'expose chez lui. Je pars dans quelques jours pour l'Auvergne. Voilà un pays pour un peintre. Des toiles, des pinceaux. Quelles vacances épatantes je vais avoir !» Car, pour Monsieur Clémentel, prendre des vacances, c'est encore travailler. Quelques semaines plus tard, me trouvant à Vichy, je reçus un mot de lui m'invitant à déjeuner. J'eus ainsi l'occasion de connaître un peu l'Auvergne, qui me rappela certains aspects du Midi. En arrivant chez le ministre, sur la terrasse qui domine des vignobles, j'aperçus un fauteuil surmonté d'un immense chapeau de paille. « C'est Monsieur Bourdel, » me dit la femme de chambre qui me guidait. Je voulus approcher. « Il dort !» À ce moment, survint Monsieur Clémentel qui m'emmena dans son atelier. Au mur, des toiles fraîchement peintes qui attestaient, par leur nombre, que le boulot du peintre ne le cédait en rien à celui du ministre. On appelait mon hôte. Je regagnai la terrasse. Le grand sculpteur dormait toujours. J'hésitais à le réveiller quand un marron se détacha d'un arbre voisin et tomba sur sa main. Il s'éveilla et, s'étirant, « Tiens, volard !» Bourdel étendit les bras. « Ce paysage, croyez-vous que c'est beau ? Face à ces montagnes, ma pensée conçoit, élabore ce que ma main modèlera dans la glaise. Cette heure que je viens de passer ici en communion avec la nature m'en a appris plus que 8 jours à l'atelier. »